Chapitre 112. La réprobation de boire au goulot, d'une outre par exemple, mais sans que cela soit interdit. 762. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a défendu de plier le goulot des outres pour y boire directement. Al-Bukhari et Muslim. 763. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de boire directement au goulot des outres. Al-Bukhari et Muslim. 764. Thabit, Kabsha bin Thabit, radiyallahu anha, la sœur de Hassan ibn Thabit, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui rendit visite et tout en étant debout, but au goulot d'une outre accrochée au mur. Alors je me levai et coupai le goulot, poursuivit Thabit. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. Elle ne coupa le goulot que pour conserver l'endroit où le messager d'Allah avait posé ses lèvres, espérant ainsi sa bénédiction. Ce hadith est une preuve de l'autorisation de boire au goulot, alors que les deux qui le précèdent démontrent qu'il vaut mieux éviter de le faire. Mais Allah est le plus savant.